blanc à la mode, vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode, marchant. La première volerie que je vis dans ma vie, c'est d'avoir oublié la bourse d'un, vous m'entendez? C'est d'avoir oublié la bourse d'un curé. J'entrais dans une chambre, mon Dieu qu'elle était grande. J'ai trouvé mille écus, j'ai mis la main, vous m'entendez? J'ai trouvé mille écus, j'ai mis la main dessus. J'entrais dedans une autre, mon Dieu qu'elle était haute. De robes et de manteaux, j'en remplis trois, vous m'entendez? De robes et de manteaux, j'en remplis trois chariots. Ces messieurs de Grenade, avec leur grande robe et leur bonnet carré, mûre bientôt, vous m'entendez? Et leur bonnet carré, mûre gâteau jugé. Ils m'ont jugé à pendre, que c'est dur à entendre. À pendre et étrangler sur la place du, vous m'entendez? À pendre et étrangler sur la place du marché. Je regardais la France, je vois mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez? Je vois mes compagnons à l'ombre d'un buisson.